hip hop, j'y crois. J'porte mon mic comme j'y supporte à sa croix. Check quand je le mets sur un, c'est sûr, ça résonne. Mais jusqu'à l'autre océan, j'prends pas d'accent. J'y reste underground à ma vision du monde. J'vois trop de shit, des bros qui tombent. Si quand je te dis dans ma vie, tiendrais pas une seconde, il te faudrait un gros spliff pour te défoncer, pas fond dans l'arme. Y'a pis t'effondrer. Check, j'suis là pour faire réaliser des choses que certains pensent ont compris. La vie, c'est loin d'être aux anticorps pas dans mon coin. Ici, je jure que la drogue, on connaît bien. Moi, j'ai réussi à m'en sortir. C'est pas tout le monde qui va réussir. Qui vont prendre le bon chemin, chacun choisit son destin. J'suis pas là pour prédire le tien. Mais s'il y a rien qui est fait pour aider les jeunes défavorisés, le pire risque d'arriver. Pour se promène, matraque à ceinture. C'est pas pour d'autres, ça c'est sûr. Sans censure, ça bonne idée là. Jamais je serai un des leurs. Chris, j'agis comme un virus sur eux. J'suis là pour créer du blocus de nos jours. Ça sert à rien de parler. Ce qu'il faut, c'est agir. De toute façon, je n'ai droit à dire. Sauf pense à l'action. Prends pour moi, pour toi, pour mes bros. Et pour ma famille, yo. Life's a bitch, get a rip on your two thumbs and grip. Rest in peace, yo. Too much disease is equity, so please believe. Rest in peace, yo. Life's a bitch, get a rip on your two thumbs and grip. Rest in peace, yo. Too much disease is equity, so please believe. Yo, rest in yo, peace. Je dénonce qu'ils se défendent avec leur voix. J'suis plus capable de voir des gars penser au suicide. La vie c'est comme un désert à rire. On cherche tout un oasis pour se rassasier. Bif, j'peux dire où ce qui est. Si tu cherches, on va te trouver. Les députés disent, les jeunes on les comprend. Chris, fais-moi pas rire quand t'es grand mot. C'est même pas de quoi j'parle. Parce que t'es protégé par tes estipervaux. Malgré tout le fuck, j'rappe le 4-5-0. Les gars font scot pour avoir celle d'une femme sur un bloc. Chris, plus l'officier content de la voir. Pogné, une valise vantée. Fuck, même un aveugle sourit muet. Et tout courant. Où les deals passent, les zigzags se passent, les 5 piastres se dépensent. Je pense pas que t'es au courant. La vie des jeunes, ça s'arrive fixe comme cash. Seul dans ce monde, à l'état de crise, je bois mon alcool. Tout est beau, c'est juste le lendemain que je dégrise. On dirait qu'il fallait que je me déguise pour pas me faire suivre par les hosties de propos. Porte mes pantalons pas, ma casque est du côté. Tout beau se disent yo, lui on fait. Je suis comme toutes les autres, là rien de moins. La seule chose que j'ai de plus, c'est des fucking skills. Yo, yo. Fucking skills, yo. Check it out. Yo. Yeah, 2002. Yo. Yeah. Yo. Peace. To my boys, you know. Yeah. Yo. Yeah, fuck talk shit. Je te parle de ce que je vois, you know. Ce que je vois. Je te parle de ce que j'ai vu. Y'a toujours de quoi qui va pas dans nos rues. Dans c'est pas qu'on a à vendre. Autant que tu craques, elle est bastide. La vie est laide. Y'a personne pour nous aider. Quand je dis nous, c'est que les jeunes que je parle. Moi j'ai réussi à dire fuck ça. Mais pas à renier. Tu comprends, cherche pas à oublier. Juste à modérer. Yeah. Resurrect. Check it out. Tout. Yo.